Saint-Laurent crée sa première collection. Marilyn Monroe n'est plus là pour passer ses robes. Au métro Charonne, 8 militants anti-guerre d'Algérie restent le nez dans le ruisseau avant que ne soient paraffés les accords d'Évian, prélude à l'indépendance de l'Algérie et au retour des pieds noirs, dont Enrico Macias va faire connaître le désarroi en chantant « Adieu mon pays ». Lenny Escudero, fils de bûcheron espagnol, taille un de ses trop rares succès populaires avec « Pour une amourette ». Claude Nougaro débarque avec une petite fille, Françoise Hardy, étudiante de 18 ans avec tous les garçons et les filles, interprète de ce cri de ralliement de toute une génération. Salut les 60, allez, bienvenue sur Radio Gamozo. Triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras, pour une amourette qui me disait bien, j'ai cru qu'une fête dansait dans mes mains. Pour une amourette qui faisait du bonheur, j'ai fui la planète pour la suivre ailleurs. Alors je me suis dit, t'es au bout du chemin, tu peux t'arrêter là, te reposer enfin. Et lorsque l'amour s'est noyé dans ses yeux, j'ai cru que je venais d'inventer le ciel bleu. Pour une amourette qui m'avait souri, je me suis fait honnête, j'ai changé ma vie. Pour une amourette qui savait m'aimer, pour une amourette qui croyait m'aimer, pour une amourette, l'amour éternel dure le temps d'une fête, le temps d'un soleil. Et mon amourette qui était trop jolie, vers d'autres conquêtes bientôt repartit. Le premier adieu a gardé son secret, elle emportait l'amour me laissant les regrets. Mais notre vieux printemps au loin refleurissait, tout contre mon cœur déjà il me disait. Une petite amourette, faut la prendre comme ça, un jour de peut-être, longtemps quelquefois. Va sécher tes larmes, un nouvel amour te guetter des armes, les peines d'un jour. Une petite amourette, un jour reviendra te tourner la tête, te tendre les bras, chanter la romance du rêve joli. Et je sais d'avance que tu diras oui. Alors les amours pour toi refleuriront, tu aimeras encore à la belle saison. Une petite amourette, jamais trop jolie, quand on sait d'avance ce que dure la vie. La sonde Ranger 3 rate la Lune et se place en orbite solaire. Fidel Castro, pour sa politique anticléricale, est excommunié. Le mafioso et chef de gang italo-sicilien Luciano meurt à 56 ans d'un infarctus. Tandis que Valéry Giscard d'Estaing remplace Baumgartner aux finances, Georges Blond, publie La Marne et Les Shadows enflamment les hit-parades. Merci de votre fidélité, nous sommes ensemble jusqu'à 17h, 2h pour évoquer la musique, les faits divers, les événements sportifs et scientifiques qui ont marqué cette année-là. Et comme l'a si bien chanté Claude François, cette année-là, c'était l'année 1962.

bêtises, mille sottises. Oublie tout ça, oh oui, et si elle veut comprendre, et qu'elle revienne, et qu'elle me prenne entre ses bras. Une idée que nous retrouverons tout au long de l'émission. Elle est née en 1932 à Epsom en Angleterre. Sacha Distel l'invitera souvent dans ses Sacha Show. Petula Clark, Yaya Twist, l'un des tubes de cette année 62. Well, je l'ai connu là, là, en puissant les Yaya. Il m'a dit que tu voulais bien penser avec moi. Simon que j'ai mis, c'est qui m'a quitté depuis. Depuis ce jour, j'entends son pain. Dans mon cœur lourd comme un refrain. L'air du souvenir n'en finit plus de gémir. Je l'ai connu là, là, en puissant le ya-ya. Comprenez-vous pourquoi je reviens toujours là. J'attends son retour en espérant nuit et jour. Champion du monde de slalom spécial à Chamonix. John Glenn est le premier américain à voler dans l'espace avec la capsule Mercury. Il effectue sur orbite 3 fois le tour de la Terre en 4 heures et 56 minutes. Aussitôt, Kennedy s'annonce favorable à une collaboration spatiale avec l'URSS. En cette année 62, Dionne et les Belmont gravitent dans les hit-parades avec The Wanderer, titre qui sera également enregistré par Richard Anthony et les Cyclones. Le Vagabond, ça sera bien entendu la version française. They don't even know my name. They call me the Wanderer. Yeah, the Wanderer. I roam around, around, around, around. Oh, well, there's Flo on my left arm and there's Mary on my right. And Janie is the girl, well, that I'll be with tonight. And when she asks me which one I love the best, I tear open my shirt and I show a rosy on my chest. Cause I'm a wanderer. Wanderer, I roam around, around, around, around. Oh well, going nowhere. Oh yeah, I'm the type of guy that likes to roam around. I'm never in one place, I roam from town to town. And when I find myself, I'm falling for some girl. Yeah, I hop right in that car of mine, I drive around the world. Yeah, I'm a wanderer. I'm a wanderer. Gérard, c'est vraiment bon. She moves her hips up to her fingertips, I feel I'm heaven bound. And when she starts to sway, I've gotta say, she really moves the grass around. Rock, a hula baby, rock, a hula baby, got a hula loop from Honolulu. That rock a hula baby of mine. Although I love to kiss my little hula miss, I never get the chance. I want to hold her tight all through the night, but all she wants to do is dance. Rock, a hula baby, rock, a hula baby, got a hula loop from Honolulu. That rock a hula baby of mine. Baby got a hula loop from Honolulu. That rock a hula baby of mine. Oh well, they rock a hula baby of mine. Elvis Presley, rock a hula baby. Nous sommes en 1962, année où Isabelle Aubray chante Deux enfants au soleil et gagne l'Eurovision au Luxembourg avec Un premier amour. Pendant ce temps, les chats sauvages Dick Rivers, avec Tu peins ton visage, prodiguent leur première leçon de maquillage, mesdames. Oh, chérie, oh chérie, comme tu as changé. Avec moi du rouge, du bleu sur tes joues, t'es lavé tes yeux. Tu as l'air d'une cannibale, et l'ombre d'une fille que j'emmène au bal. Tu peins, tu peins, à ton visage tu peins, tu peins, à ton visage tu confonds l'Afrique et l'enfer, la route de nos gens et le sentier de la guerre. Pour te prendre un baiser au vol, je mets du rouge plein mon col. Et au lieu de celle que j'aime, je n'embrasse qu'un masque de poudre et de crème. Tu peins, tu peins, à ton visage tu peins, tu peins, à quel dommage. C'est d'autant plus impardonnable que tu as 17 ans et la beauté du Dieu. tête. Tu pourrais même y ajouter un bagne autour des reins, un anneau dans les du pain. Ton visage du pain. Quel dommage, je sais d'autant plus impardonnable que tu as 17 ans et la beauté du diable. Ne pense pas que ces peintures que tu te mets sur la figure vont inciter au badinage. Je te ferai plutôt un bon débarbouillage. Du pain. Ton visage du pain. Quel dommage, hâte-toi de redevenir la fille de la guerre dans les souvenirs. Du pain. Ton visage du pain. Quel dommage, hâte-toi de revenir la fille de la guerre dont j'ai souvenir. When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide, they'd hide. When Liberty Valance walked around, the men would step aside. 'Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. From out of the east, a stranger came, a law book in his hand. Oh man, the kind of a man the West would need to tame a troubled land. 'Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. Many a man would face his gun, and many a man would fall. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. He was the bravest of them all. The love of a girl can make a man stay on when he should go. Stay on, just trying to build a peaceful life where love is free to grow. But the point of a gun was the only law that Liberty understood. When the final showdown came at last, a law book was no good. Alone and afraid, she prayed that he'd return that fateful night. Oh, that night, when nothing she said could keep her man from going out to fight. From the moment a girl gets a people grown, the very first thing she learns, when two men go out to face each other, only one returns. Everyone heard two shots ring out, one shot made Liberty fall. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. He was the bravest of them all. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. He was the bravest of them all. Thank you.

Hélène Shapiro, You Don't Know. Au cinéma, West Side Story remplit les salles obscures et Henri Salvador, en cette année 62, reprend le tube des Tokens sous le titre Le Lion est mort ce soir. Oui, oh, oui, oui. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Tous les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Oui, oh, oui, oui. Eddie et les Chaussettes Noires sortent le twist du canotier. À ce moment-là, on trouvait très quiche de placer la voix de Maurice Chevalier à côté des chevelus du rock, les Chaussettes Noires. Aujourd'hui, Maurice Chevalier est décédé en 1972, bien sûr. Ce sont les Chaussettes Noires qui semblent bien quiche. Bonjour monsieur le chevalier, quelle joie de vous trouver là. Salut les gars de Ménilmontant, tout le monde en piste. On va faire ça comme des artistes. Mais savez-vous danser le twist? Non mais dis donc petit gars, tu sais qui tu parles en ce moment? Avec mon canotier. Sur le côté, j'ai fait danser le twist. Le twist? Monde entier. Avec son canotier, sur le côté, sur le côté. J'adore danser le twist. Le twist? Ouais, ouais, ouais, ouais. Lorsque ma femme entrait sur le plateau, à l'Alhambra, à l'Apollo, les gens debout la salle chauffée à blanc. Je vous assure que ça twistait drôlement avec mon canotier. Sur le côté, j'ai toujours fait le twist. Le twist? Ouais, ouais, ouais, ouais. Vous devez vous tromper de tempo. Le twist est nouveau. Demandez voir mes petits agneaux, je vous en prie. À la môme Louise ou à Mimi. Est-il bien sûr de ce qu'il dit? Non mais dis que je débloque pendant que t'y es toi. Avec mon canotier. Sur le côté, j'ai fait danser le twist. Le twist? Oh, monde entier avec son canotier sur le côté, sur le côté. J'adore danser le twist. Le twist. Ouais, ouais, ouais, ouais. Le twist, le petit top de Charleston que j'ai dansé avec Louison. Un peu de choses près, c'est la même pas. Pourvu ça chauffe, on a le moins que ça avec mon canotier. Sur le côté, sur le côté. Y'a 60 ans, je twist. Le twist. Ouais, ouais, ouais, ouais. Avec son canotier. Avec mon canotier. Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Gémozo. Of wine anytime, night or day. why whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream, dream, dream. Filez donc, Dream, c'était les Everly Brothers en cette année 62. À la télévision française, l'émission Interville arrive en France. Léon Zitrone présente le journal télévisé. Gros Ours, Mirabel, Petit Louis et Ulysse vous souhaitent tous les soirs une bonne nuit. Tandis que Johnny Hallyday, lui, envahit les ondes des radios périphériques avec I Got a Woman. A woman way out of town. She's good to me. Oh, oh yeah. Say, I got a woman way out of town. She's good to me. Oh yeah. Well, she's my baby. And don't you understand? Yeah, I'm a lovely man. You know I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. Well, she's there to love me both day and night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the street, leaving me alone. She knows a woman plays right down now in her home. I got a woman way out of town. She's good to me. Oh yeah. See, I got a woman way out of town. She's good to me. She's good to me. To love me both day and night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets, always leaving me alone. She knows a woman plays right down on in her home. Got a woman way out of town. She's good to me. Oh yeah. See, I got a woman way across town. She's good to me. Oh, she's good to me. Oh, yeah. I don't see no solid white. She's solid white, she's solid white. Oh, right. She's solid white, she's solid white. Oh. Voilà, I Got a Woman du bon Johnny Hallyday. Et pourtant, je vous assure que la version Olympia 62-64, eh bien, elle est nettement meilleure. L'allure garçonne, des bottes de cuir, un ensemble uni luisant et des cheveux courts sur le côté, lui donne un look sauvage. Retenez bien son nom, car il sera bientôt sur toutes les lèvres. Voici assurément une fille qui est appelée à devenir une vedette de première grandeur du rock'n'roll. Elle possède une voix bien timbrée et un sens inné du rythme. C'est ce que l'on pouvait lire en 1962 au dos de la pochette du premier 45 tours de Jackie Seven. Elle possède le rythme du rock. Les champagnes, tu t'en fous. La famille, les jonquilles, ça t'amuse pas du tout. Rien ne t'intéresse, viens, que le rythme du rock. Rien ne t'intéresse, que le rythme du rock. D'ailleurs chérie, toutes les fois que je t'embrasse, tu ne tiens jamais plus que tout montagne, le champagne, tu t'en fous, la famille, les jockeys, ça t'amuse pas du tout. Pourtant, yeah, yeah. Tu m'as dit au cours d'une danse que pour toi j'avais au moins autant d'importance que ces refrains que tu adores et qui balancent. Et chez toi tu m'as emmené pour m'embrasser, même tes caresses sont le rythme du rock. Voilà pourquoi j'aime le rythme du rock. Voilà pourquoi j'aime le rythme du rock. Voilà pourquoi j'aime le rythme du rock. Le rythme du rock. Vous pouvez nous écrire à Radio Guimauzo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Dalton, ma verte prairie, le côté western pour le grand copain de Johnny et membre de la bande du square de la Trinité. 1962, Michel Debré démissionne, Georges Pompidou devient Premier ministre. Pardon. Au ciné, on peut voir Cléo de 5 à 7 d'Agnès Vardin et La guerre des boutons d'Yves Robert, tandis que les copains, Alain et Claude, reprennent Lucie, le titre de Little Richard. Ce soir, Lucille, maintenant il est trop tard. Entre nous c'est fini, je ne veux plus te revoir. Lucille, pourquoi viens-tu t'excuser? T'es déjà oublié. Tu ne comptes plus pour moi. Tu devrais t'en aller. Quand je t'ai vu danser,

Didi Church, Mitch Potato Stein. Il est né en 1938 à Casablanca. L'explosant Frankie Jourdan, alias Claude Benzaguen, a chanté Fats Domino avec lequel il pose sur la pochette d'un 45 tours. Citons La rue des quatre vents et Walking to New Orleans qu'il adapte sous le titre Mon revenant de guerre. Venons de guerre, avec des larmes amères. J'ai tout perdu là-bas, oui, mon espoir et ma foi. En revenant de guerre, j'avais une tendre amie. C'est une jolie fille. En partant pour le feu, un autre en a fait son jeu. Oui, j'avais une tendre amie. J'aimais beaucoup ma mère, mais cette stupide guerre a bien séparé, et pendant qu'elle mourait, moi je faisais la guerre. Les gens font des mystères quand il s'agit de guerre. N'ont qu'à nous dire pourquoi nous arrangerait bien ça, sans pour autant faire la guerre. J'ai pleuré ma jeunesse, j'ai pleuré mon ivresse, mais je n'ai plus 20 ans et j'ai perdu mon temps. Je n'aime pas la guerre. Je n'aime pas la guerre. Nous venons de l'évoquer, nous allons en reparler au cours de l'été 62. Fats Domino va sortir un titre, Blueberry Hill, qui sera repris par les plus grands. Notre Johnny National et Elvis Presley l'ayant notamment inscrit à leur répertoire. Found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. Melody but all of those vows you made are never to be. Oh, we're a boy, you gotta be still. Love, sweet melody, but all of those vows you made Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Gémozo. Je suis sorti avec Hélène, dans un café on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Le lendemain je lui téléphone, elle me dit que tout est fini. Oh les filles, oh les filles. Au cinéma on est allé, et au moment le plus tragique, elle m'a prié de l'embrasser. Et comme je suis un gars pratique, je ne me suis pas fait prier. Car elle ne m'a rien demandé. Elle est si douce, elle est si fine, et j'aime ses beaux yeux étonnés. J'aimerais toute ma vie Karine, et rien ne pourrait m'en empêcher. Petite fille, petite fille. Les pingouins ou les filles, version du Tugare de Martin Robbins, popularisée par Rusty York. Les chaussettes noires avaient déjà jeté leur dévolu sur cette composition et on avait fait un fabuleux chéri ou chéri. Tugare avec les pingouins devient ou les filles, dont les paroles sont extrêmement savoureuses, ce qui n'a pas échappé quelques années plus tard au groupe Au Bonheur des Dames, produit par Thierry Vincent, l'ex-chanteur des Pingouins. Sur Boom, la joie de vivre des copains et des copines en cette année 62 avec Billy Bridge, le prince du Madison. Ouais, les canins qui venaient tous à la maison. J'organise sur Boom sa table sensation. Il y aura tout ce qu'il faut, sandwich et la boisson. Parti aujourd'hui, je suis seul maintenant et je m'ennuie. Allez, venez sans hésitation, rentre dans une rade de pop, de twins, sans façon. Ouais, car les filles tapez dans vos mains, on va mettre de l'entrain, tant pis pour les voisins. Allez, venez sans hésitation, rentre dans une rade de pop, de twins, sans façon. Venez tous en sur vos murs, en surprise, parti, allez, venez. Sans hésitation, dans ce mur à deux blocs, de twist, sans raison. Ouais, et les galets, venez tous à la maison. J'organise un bureau, ça va, la pure sensation. Y'aura tous les mots, venez tous à la maison. Tandis que Daryl Zanuck sort le jour le plus long, les Four Seasons sortent Sherry, que Mike Shannon et les Chats Sauvages transformeront en un énorme tube. « Gary Yes Bond, Twist Tweet, Senora, c'est envahi les ondes des radios périphériques. Le magazine salue les copains d'après la célèbre émission de radio de Daniel Filipacchi et Franck Thénault, chaque jour à 17h sur Europe numéro 1, vient de sortir son premier numéro avec Johnny en couverture. Un sérieux concurrent à l'époque pour le Disco Revue de Jean-Claude Berton. Enfin, c'était en 1962. Twist, twist, señora. Eba, eba. Lipo, twist, eh. What you say now? Twist, twist, señora. Yeah, oh yeah. Les dents en chanter. One more time now. Hop, hop, señora. Come on, come on. Les femmes nous. What you say now? Twist, twist, señora. Come on, come on. Ne brûle les genoux. Elle est morte, la vieille cadence de la ziguedille. C'est le fils que l'on danse de Bilbao jusqu'à Séville. Twist, twist, señora. Eva, Eva. Il faut twister. What you say now? Twist, twist, señora. Let's play, let's play. Les dents ont changé. One more time now. Hop, hop, señora. Yeah, oh yeah. Fais comme moi. Come on, come on. Twist, twist, señora. Yeah, oh yeah. Revenu bien les bras. Elle est morte, la vieille romance et la sérénade. C'est le twist que l'on danse à Barcelone, à Grenade. Twist, twist, señora. Come on, come on. Il faut twister. What you say now? Twist, twist, señora. Yeah, oh yeah. Les dents ont changé. One more time now. Hop, hop, señora. Eva, Eva. Et comme moi. What you say now? Twist, twist, señora. Come on, come on. Ne t'arrête pas. Toutes les vieilles lunes, tu vois bien, c'est la fête de Saragosse à Pampelune. Twist, twist, señora. Come on, come on. Il faut twister. What you say now? Twist, twist, señora. Yeah, oh yeah. Les dents ont changé. Let's play now. Hop, hop, señora. Come on, come on. Les dames noires. Well, let's play now. Twist, twist, señora. Come on, come on. Hush, little baby, it's only rock and roll, and rock and roll is good for your soul. Tandis que le Little Eva avec le Locomotion cartonne dans les hit parades internationaux, Marilyn Monroe, 36 ans, est trouvée morte à son domicile. Elle aurait absorbé des barbituriques. Cousteau, en septembre 1962, largue près de Marseille une maison sous-marine que deux hommes occuperont pendant 7 jours. Voyons, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aller au cinéma? Bah, c'est la barbe. Ah, j'ai une idée. Pour s'amuser, je connais l'endroit. Pour danser le Madison Twist. Ce soir, venez tous avec moi. Pour danser le Madison Twist. Oui, retrouvons-nous là-bas, Sylvie. Ok pour le Madison Twist. J'ai peu d'argent, mais ça suffit. Pour danser le Madison Twist. Allons-y les amis. Et Sylvie n'oublie pas. On a rendez-vous en piste. Allons-y les amis. Et Sylvie n'oublie pas. On a rendez-vous en piste. Vous ne pouvez pas résister. En dansant le Madison Twist. Oui, dans vos deux mains, oui, vous frapperez. En dansant le Madison Twist. Sur un tempo bien balancé. Oui, c'est ça le Madison Twist. Ah, croyez-moi, oh oui, ça va chauffer. Ok pour le Madison Twist. Allons-y les amis. Et Sylvie n'oublie pas. On a rendez-vous en piste. Allons-y les amis. Et Sylvie n'oublie pas. On a rendez-vous en piste. Johnny Hallyday en cette année 62 sort Madison Twist, une chanson également enregistrée par Sylvie Vartan, sur laquelle les deux idoles se renvoient la balle par disque interposé. Dites les copains, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On sait pas. Je veux aller au cinéma peut-être. Oh non, ça marche. Pourquoi pas? Écoutez-moi alors. Oui. J'ai une idée. Pour s'amuser, je connais l'endroit. Pour danser Madison Twist. Ce soir, venez tous avec moi. Pour danser Madison Twist. Retrouvons-nous là-bas, Johnny. Pour danser Madison Twist. Un peu d'argent, mais ça suffit. Pour danser Madison Twist. Oui, allons-y, Johnny. Pour danser Madison Twist. Pour danser Madison Twist. On a rendez-vous en piste. Oui, allons-y, Johnny. Pour danser Madison Twist. Oui. Pour danser Madison Twist. On a rendez-vous en piste. Vous ne pouvez pas résister. En dansant le Madison Twist. Dans vos deux mains, vous frapperez. En dansant le Madison Twist. Sur un tempo bien balancé. Oui, c'est ça le Madison Twist. Ah, croyez-moi, ça va chauffer. En dansant le Madison Twist. Oui, allons-y, Johnny. Pour danser le Madison Twist. Pour danser le Madison Twist. On a rendez-vous en piste. Oui, allons-y, Johnny. Pour danser le Madison Twist. Oui. Pour danser le Madison Twist. On a rendez-vous en piste. Allons-y. Ouais, qui avait raison, hein? Sur Radio Gemozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. Don't play it no more. Don't play it

That you still love me. If it's just for one more day. Break it to me gently, so my tears won't fall too fast. If you must go, then go slowly. Let me love you till the last. The love we shared for oh so long is such a big part of me. If you must take your love away, take it gradually. Oh, oh, break it to me gently. Give me time, or give me a little time to ease the pain. Love me just a little longer, 'cause I'll never, never love again. Brenda Lee, Break It to Me Gently. Cette année 62, Juan Carlos d'Espagne épouse Sophie de Grèce. Jean Renoir présente le caporal épinglé. Le satellite Telstar est lancé. Grâce à lui, la première émission télé en mondiovision est diffusée. Kennedy propose l'installation du téléphone rouge entre la Maison Blanche et le Kremlin, tandis que Nel Sedaka avec King of the Clone nous fait découvrir le roi des clones. Here I come, the king of clowns, as I hide behind this smile and paint the town. Though I cry, since you're gone, you'll never know, because the show must go on. I've been sad, I've been sad, I've been blue. I pretend, but you can't tell. Gérard, c'est roquement bon. My father looked at me one day, said, son, it's plain to see that you're getting older and should have a talk with me. You'll soon be going on lots of dates as to a man you grow. And there's one important thing every boy should know. Girls, girls, girls were made to love. Some stand 5 feet two. Girls, girls, girls are made to love. One day soon you'll have a date and you'll take her home that night. You'll wonder as you look at her, would a kiss be right? The more you look, the more you find, those doubts will fill your. Les Everly Brothers, Made to Love, la version française, vous la connaissez puisque c'est Belle Belle Belle, le premier tube de Claude François. Nous allons nous quitter, mais auparavant, permettez-moi de vous citer une pensée de Victor Hugo. Rien ne suffit à l'amour, on a le bonheur, on veut le paradis. Merci de votre fidélité, on se retrouve lundi entre 15h et 17h sur Radio Gémozo. Et n'oubliez surtout pas notre rendez-vous du dimanche matin pour la rediffusion de l'émission à partir de 10h. Salut à tous, salut à toutes, excellente semaine et que la musique soit avec vous.